dedans. À chaque mot, elle se tarde à voir un médicament. Mais le soir, elle poignarde ma poupée vaudou. Elle n'y connaît rien, sinon j'aurais mal partout. Elle m'enlise de promesses jamais tenues. Elle m'envoie des baisers le temps d'une déconvenue. Je l'attends des heures dans son lit un peu froid, avec ses deux gros chats qui me griffent l'estomac. Si elle n'avait pas ce sourire, parfum vanille, pas une douceur dans les yeux qui m'émoustille, pas ce ton léger qui me fait marrer, je l'aurais planté là avec tous mes regrets. Parfois elle est belle comme une trancheuse de tête. Elle se tient bien droite, quelle splendeur, c'est une fête. Fête, fête. Je rêve de poser ma tête sur son billot. Le cœur serré comme les fesses, finir en deux morceaux. Saut, saut. Elle a fait des projets sur 48 heures. Je la colle comme jamais, comme j'ai peur qu'elle me perde exprès dans la foule, les badauds, avec un poisson d'avril scotché dans le dos. Quand elle me lance un bonjour, monsieur, c'est ballot. Je réponds un bonjour, zèle. Je me sens idiot de dérouler un long et mystérieux espoir, alors que je l'ai rencontré seulement hier soir. Parfois elle est belle comme une trancheuse de tête. Elle se tient bien droit, quelle splendeur, c'est une fête. Fête, fête. Je rêve de poser ma tête sur son billot. Le cœur serré comme les fesses, finir en deux morceaux.